Puis là, j'ai quelqu'un qui me dit, oh là là, t'as vu le docu qui vient de sortir en ligne. En fait, tu sais que t'es plein de fois dans ce docu et qu'on te prend pour cible, que t'es de la désinformatrice en chef, que t'es en pleine collusion avec le gouvernement, que tu t'en mets plein les poches. Notre devoir, c'est d'être complotiste pour dénoncer les comploteurs. Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV? Qui? Ben c'est la communauté que vous connaissez bien. Ni oubli, ni pardon pour tous ces enfoirés. Rien. Sachez bien que vous allez payer. Réveillez-vous! Tout est calculé! Du complotisme, de la désinformation, du harcèlement, ça a été très très très dur. Je réalise que les personnes qui rentrent dans ces récits complotistes sont en train de se créer une réalité alternative. Bonjour à toutes et à tous, je suis Héloïse Weiss, bienvenue dans cette nouvelle saison de Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. Pendant des mois, vous avez entendu les témoignages de celles et ceux qui subissent le complotisme au quotidien. Dans cette saison 2, vous les entendrez toujours, mais vous découvrirez aussi d'autres histoires, celles par exemple de personnalités devenues les cibles de la complosphère. C'est le cas de notre invité aujourd'hui. Nous sommes en janvier 2020 quand la France annonce officiellement ses premiers cas de Covid-19 et commence à vivre au gré de l'épidémie. Nous sommes en guerre. Emmanuel Macron, 16 mars 2020. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là. Pendant des mois, des médecins et des infectiologues se succèdent sur les plateaux télé et les studios radio pour expliquer et commenter l'évolution de la pandémie. Parmi eux, un nom. Bonjour professeur Karine Lacombe. Chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Comme ses confrères, Karine Lacombe exerce une double mission, celle de soignante, mais aussi de vulgarisatrice scientifique. Sauf que très vite, l'infectiologue est accusé de conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique, subit du harcèlement et reçoit des menaces de mort. 5 ans plus tard, à son bureau de l'hôpital Saint-Antoine, elle nous raconte. Mon envie de carrière dans la médecine remonte à très loin en fait. C'est quand j'étais gamine où je me suis dit quel est le plus beau métier au monde qui permet qu'on ne meure pas et qu'on guérisse quand on est malade? C'est le métier de médecin. Alors vous allez me dire c'est assez primaire, mais quand j'étais petite fille, j'avais 4 ans, 5 ans, je trouvais que c'était un métier extraordinaire. Quand j'ai commencé à me plonger dans ce qu'était une épidémie, j'ai retrouvé un peu ce que la médecine m'inspirait quand j'étais enfant. Je me suis dit, oh là là, les pandémies, la peste, etc. Oh, si on laisse les pandémies s'étendre, en fait, tout le monde meurt et puis la Terre n'existe plus. Et donc, il faut lutter contre les pandémies, contre les agents infectieux. Et finalement, c'est ça qui est vraiment intéressant dans la médecine. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait de la santé publique qui s'applique aux maladies infectieuses, donc à la gestion des pandémies, etc. France 2, 18 janvier 2020. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes, un chiffre beaucoup plus important selon des scientifiques. Une épidémie qui inquiète d'autant plus que le nouvel an chinois approche. Le virus pourrait se propager à l'étranger. Et donc quand la pandémie a débuté, février-mars 2020, j'ai commencé à parler, en particulier d'abord autour de moi, d'abord dans un registre de dire ce qu'on savait, ce qu'on ne savait pas, de rassurer, en particulier dans le milieu médical qui n'était pas spécialisé en maladies infectieuses, mais également auprès de la population générale. Mais je dirais que mes premières actions de vulgarisation scientifique remontent au 6 mars 2020, à l'occasion d'une table ronde sur la chaîne d'information continue LCI, où je me suis exprimée aux côtés de Roselyne Bachelot sur la façon dont on utilisait les masques pour se protéger de la transmission du virus. Tout s'accélère le 23 mars 2020. Karine Lacombe est l'invitée du journal de 13h de France 2. L'interview porte d'abord sur le respect des mesures sanitaires face au Covid-19. Donc moi, je m'étais préparée, voilà, qu'est-ce qu'on savait, qu'est-ce qu'on ne savait pas, sur les modes de transmission, sur les traitements, et puis sur ce qu'on pensait qu'il fallait faire à l'époque pour se prémunir du Covid et comment on devait faire progresser la science. Et à l'occasion de ce rendez-vous journalistique, je me rappelle, je l'ai fait ici dans mon bureau, hein, dans mon bureau de l'hôpital, j'étais en Skype, il y a eu un reportage sur l'IHU de Marseille et en particulier beaucoup d'images sur ces queues interminables de personnes qui attendaient d'être testées et qui attendaient d'être traitées après avoir été testées par l'hydroxychloroquine. Karine Lacombe est alors interrogée sur le bien fondé de ce traitement. Écoutez sa réponse sur France 2. Je suis absolument écœurée par ce qui se passe. Sur la base d'un essai qui est absolument contestable sur le plan scientifique et qui ne montre absolument rien quand on regarde exactement les chiffres, exactement la façon dont il a été mené, on expose les gens à un faux espoir de guérison dont, pour une maladie dont on sait que dans 80% des cas, au bout de quelques jours, il n'y a plus de virus et qu'on guérit spontanément. Il faut quand même rappeler les choses pour ce qu'elles sont. Donc, ce qui se passe à Marseille, à mon avis, est absolument scandaleux. On a l'impression de voir des gens dans une secte attirés par un gourou qui va leur délivrer la potion magique. Et effectivement, les interviews des gens qui faisaient la queue allaient toutes dans le même sens. On va nous sauver, ici on nous traite. Je me suis dit, mais comment on peut, à des gens qui sont légitimement angoissés par une pandémie, un agent infection inconnu pour lequel on n'avait pas encore de traitement éprouvé, comment on pouvait leur faire croire qu'ils allaient recevoir un traitement miracle qui allait les sauver de la Covid ? Le gourou en question, c'est le microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses, Didier Raoult. À l'époque, il est le directeur de l'IHU de Marseille. C'est une personnalité respectée pour certaines de ses découvertes, mais plusieurs de ses études sont aussi contestées sur le plan méthodologique et divisent la communauté scientifique. Pourtant, face à cette crise, le professeur Raoult apparaît bien comme l'homme providentiel auprès de la complosphère qui salue son attitude anti-système. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Pierre Cassène, rédacteur en chef du site complotiste et d'extrême droite Riposte Laïque, le 25 mars 2020. Le professeur, il fait chier le monde. Pourquoi ? Ben parce qu'il a dégoté un traitement qui vaut 2 euros. Et qu'à cause de lui, il va ruiner tous les grands labos pharmaceutiques qui, eux, espéraient se faire des testicules en or en vendant le produit miracle une fois qu'il y aurait eu quelques morts et que plus il y avait de morts, ben plus ça faisait monter les prix du produit miracle. Donc le professeur, avec ses conneries, il fout le boxif. Et le professeur, ce que j'adore, c'est qu'alors ils envoient, là, ils envoient sur les plateaux de télé vraiment tous les larbins des labos, hein, qui ont tous des titres pas possibles, chef de et tout. On se demande d'ailleurs pourquoi ils sont chefs de service et qu'ils sont sur les plateaux télé et qu'ils sont pas en train de sauver les patients. C'est juste une question qu'on pourrait leur poser, alors que le professeur, lui, il est juste toujours à Marseille en train de bosser. Didier Raoult, c'est le symbole de la fierté marseillaise face à l'élite parisienne. C'est celui qui trouve un remède miracle et peu coûteux, alors que la science avance à tâtons et que le gouvernement se contre. C'est pourquoi, ce 23 mars 2020, en critiquant le protocole de Didier Raoult sur le plateau de France 2, Karine Lacombe s'attire les foudres des complotistes, convaincus que les critiques sur l'hydroxychloroquine ne concernent pas un problème de méthode, mais une volonté cachée de favoriser d'autres traitements, ceux de l'industrie pharmaceutique. J'ai basculé, mais dans les heures qui ont suivi, dans le monde du harcèlement. Le monde du harcèlement en ligne a commencé à émerger sur les réseaux sociaux des vidéos contre moi où on me voit avec un pistolet sur la tempe, des messages extrêmement haineux qui incitaient à la mort, au meurtre envers ma personne. Et puis surtout un envahissement psychique très important, puisque moi qui avais quelques centaines de followers sur Twitter à l'époque, qui était un média que j'aimais beaucoup, parce que par ce média je gardais un contact très étroit avec mes collègues à l'étranger, communauté internationale, aux États-Unis, en Australie, ailleurs en Europe, des collègues en Afrique. Et donc moi j'avais, 200-300 followers. Et en fait je suis passée en 2-3 jours à 20 000 followers. Et comme moi, mon téléphone était paramétré pour que je sache quand on me contactait, j'avais constamment des nouveaux followers, c'est constamment des nouveaux messages. Et en fait, je me suis sentie totalement envahie psychiquement parce que ben, j'étais tout le temps sur mon téléphone et je ne comprenais pas ce qui se passait. Suite à ce passage dans le JT de France 2, Karine Lacombe reçoit un torrent d'insultes. Exemple sur Twitter. Karine Lacombe, elle roule pour le gouvernement. La pétasse de service. T'as raison la conne, il vaut mieux attendre que le malade en soit au point de devoir être hospitalisé en réa. Quelques jours après, je sais pas, peut-être une petite semaine après, alors que j'essayais de me sortir de cet envahissement de messages sur Twitter, j'ai revu tous les paramètres de Twitter en me disant je peux pas être tout le temps à l'affût de ce qui tombe sur Twitter. C'était vraiment un envahissement psychique très fort. Le 3 avril, hein, le vendredi 3 avril, vous voyez, 22h, donc j'étais dans mon bureau très tard, ici à l'hôpital, et je commence à recevoir une cascade de mails, tous les mêmes, et qui disent en substance « Madame le professeur, vous êtes reconnue pour vos travaux indiscutables dans le domaine des infections sexuelles. Il n'empêche que je trouve cependant surprenant de votre part de qualifier la démarche du professeur Raoult de comportement scandaleux. » Sauf que des mails comme ça, exactement le même texte, à la virgule près, j'en ai reçu 900 en 5 minutes. Alors quand j'ai reçu tous les mails, d'abord cette cascade de mails, ce soir-là, je ne suis pas rentrée chez moi, parce que j'ai vraiment eu un phénomène d'effraction psychique. Autrement dit, Karine Lacombe est envahie par des pensées et des émotions comme l'incompréhension, la peur, l'effroi, au point de se sentir en danger de mort. En fait, il lui est impossible de distinguer le réel de l'irréel. Je me rappelle avoir regardé dans la rue, j'étais persuadée qu'il y avait des gens qui m'attendaient dehors. J'ai téléphoné à mes voisins en leur demandant s'ils pouvaient regarder s'il n'y avait pas des gens qui m'attendaient dehors. Et je me suis sentie envahie par des centaines de milliers de personnes que je sentais agressives. Parce qu'entre-temps, mon personnel ici à l'hôpital a reçu des tas de coups de téléphone qui ne m'ont pas été retransmis directement, mais qui sont arrivés dans le service. Les infirmières qui décrochaient, c'est ma secrétaire qui décrochait, avec tout le temps des messages de la même teneur. Les lettres qui ont commencé à s'accumuler. Et là, je me suis dit, mais je ne peux plus rentrer chez moi. À un moment, je reçois une lettre dans les jours qui ont suivi. Et donc, cette lettre dit en substance que je suis une grosse pute, qu'on va venir me violer avec du fil de fer barbelé, que je suis la mère de trois bâtards et que je m'en sortirai pas comme ça. J'ai déposé une main courante. On m'a dit on ne peut pas retrouver qui a écrit cette lettre. En revanche, on vous propose une protection. Et là, j'ai dit non, en fait, je ne veux pas de protection personnelle parce que c'est. Il y a un moment donné, mais dans quoi on verse ? Dans quoi on verse alors que je n'ai fait que mon métier qui était de vulgariser la science et de faire un état des lieux d'où on était avec la pandémie. Si des centaines d'anonymes s'en prennent à Karine Lacombe, des personnalités politiques ou médiatiques l'interpellent également. C'est le cas de l'élu non inscrit Son Forger ou encore de Juan Branco. Entre mon passage sur France 2 le 23 mars et mon passage au point presse de Matignon le 28 mars, 5 jours, il y a eu une prise de parole sur les réseaux sociaux, Juan Branco, que moi je ne connaissais pas à l'époque, qui tout de suite m'a fléché comme personne à la solde de l'industrie, gros conflit d'intérêts. Juan Branco, c'est l'avocat controversé de nombreuses personnalités de la complosphère, comme Kémi Séba, activiste panafricaniste et complotiste, ou encore d'Aurélien Poisson-Atlan, alias Zoé Sagan. Voici ce qu'écrit l'avocat dans un post Facebook daté du 25 mars 2020. Il y a une guerre sourde actuellement menée entre les laboratoires pharmaceutiques et les institutions hospitalières pour tirer couverture de la crise. On a beaucoup glosé sur le cas de Karine Lacombe et ses liens avec Gilead, qui s'est attaqué bille en tête dans tous les médias à Didier Raoult. Ces liens sont, il est vrai, éloquents. Ce que n'explique pas Juan Branco, c'est que ces liens, dits d'intérêt, sont en réalité encadrés par la loi et non dissimulés. Ils sont même déclarés sur le site Transparence Santé. C'est donc en tant que spécialiste du VIH et des hépatites que Karine Lacombe a participé à des conférences et à des réunions d'experts avec Gilead ou AbbVie, deux laboratoires qui produisent des traitements contre le VIH et les hépatites. Et j'ai commencé à être la cible de Florian Philippot, qui a duré des années. Je pense que la dernière fois qu'il a parlé de moi, ça devait remonter à 2024, donc ça a quand même 4 ans. Et à chaque fois que j'ai pu m'exprimer dans les médias, à chaque fois, l'extrême droite a rembrayé derrière. À partir de mai 2020, ces accusations de conflit d'intérêts prennent une nouvelle dimension. Des médecins et des associations déposent plainte contre elles. C'est le cas d'Anticor, une association reconnue pour sa lutte contre la corruption politique et la fraude fiscale. Alors là, je tombe de ma chaise. Je me dis, mais moi, j'avais beaucoup d'estime pour Anticor, dont je connais le travail, etc. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Dans quel monde on tombe ? Mais au bout de quelques recherches, Karine Lacombe découvre que la commission santé d'Anticor est composée de plusieurs personnalités convaincues par les thèses covido-complotistes. L'association finit d'ailleurs par retirer sa plainte. À la même époque, l'infectiologue subit une autre procédure judiciaire. Une plainte de Didier Raoult pour diffamation après des propos tenus lors d'une interview avec Michel Cotta sur Europe 1 le 26 juillet 2020. Elle est finalement relaxée par le tribunal correctionnel de Marseille. Didier Raoult a fait appel de cette décision. Aujourd'hui, Karine Lacombe est toujours au cœur de procédures judiciaires portées par des associations qui disent lutter contre l'obligation vaccinale. Dans tout ce maelstrom, hein, cette espèce de guerre permanente, parce qu'on est encore, en plein dans la pandémie, hein, novembre 2021, bon, il n'y a plus de confinement, mais nous, on est débordés de malades à l'hôpital et tout. J'ai quelqu'un qui me dit « Oh là là, t'as vu le docu qui vient de sortir en ligne ? En fait, tu sais que t'es plein de fois dans ce docu et qu'on te prend pour cible, que tu es de la désinformatrice en chef, que tu es en pleine collusion avec le gouvernement, que tu t'en mets plein les poches. C'est une politique de peur, un genre de terrorisme psychologique. La peur. D'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires. Il y a des millions de personnes qui vont perdre leur emploi. Il va y avoir une précarisation massive de la société. On est juste en train de détruire l'Occident, mais vraiment. Nous sommes en mai 2021, quand la France sort tout juste de son troisième confinement et découvre ce film, Hold Up, réalisé par Pierre Barnérias, un documentariste conspirationniste. Et là, je commence à regarder et j'hallucine. La bataille commence, le gouvernement a bien sonné le clairon. 7 mois plus tard, elle dure encore, le champ de bataille, les plateaux TV, investis par des médecins auréolés de leur titre de chef de service, comme Karine Lacombe, l'une des nombreuses cautions scientifiques du gouvernement. Elle seule interviendra au moins 21 fois en 2 mois sur les chaînes d'info. Je suis hallucinée donc déjà par le fond du documentaire, par les personnes mises en avant dans le documentaire, Martine Vonner, Perron, etc. Infectiologue, Christian Perron est connu pour avoir accusé ses confrères de refuser l'usage de l'hydroxychloroquine au profit des laboratoires pharmaceutiques. Il a été démis de ses fonctions de chef de service des maladies infectieuses et tropicales exercées à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Médecin psychiatre et député, Martine Vonner se dit aussi pour l'usage de l'hydroxychloroquine et s'oppose publiquement au pass sanitaire. On les voit, avec toute cette mise en scène de désinformation, ils sont sur leur tabouret avec une musique qui fait peur, angoissante. Et puis le montage quoi, du truc, avec toutes des images d'archives, de gens qui meurent, de personnes âgées qu'on a laissées mourir, où on m'assimile aux médecins qui auraient tué les vieux pour les supprimer, etc. Et là, je me dis, mais c'est hallucinant. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire en fait ? Comment est-ce qu'on peut utiliser mon image et proférer des informations, des propos aussi hors temps et qui salissent en fait la science, qui me salissent moi, qui salissent mes collègues qui avons bossé nuit et jour pour sauver les gens en fait. Et donc je me dis, je ne peux pas laisser passer. Donc je porte plainte dans les 3 mois puisque c'est de la diffamation. Donc je porte plainte parce que je me dis, si on ne s'attaque pas à ça, On va laisser proliférer. C'est la loi du plus fort, c'est la loi de la désinformation qui va primer. Donc je porte plainte, ça n'a pas été facile parce que c'est très compliqué de prouver la diffamation. Très très compliqué en loi française parce que la liberté d'expression est un droit qui est vraiment sacré. Et donc c'est très rare d'obtenir justice en diffamation. J'ai gagné en diffamation contre le DUP en mai 2024. On a une audience qui a duré toute la journée. Alors c'est une audience qui a été éprouvante parce qu'en fait, évidemment, toutes les personnes qui gravitaient autour d'Hold-up étaient là, des personnes de la population étaient là, de tous âges, de vraiment hommes, femmes et de tous âges, avec une assemblée qui était assez fournie, beaucoup plus fournie que les personnes qui sont venues pour me soutenir moi. Et en fait, ils ont été condamnés. Le réalisateur de Hold-up a été condamné et il a été condamné dans tout ce que j'ai demandé vis-à-vis du documentaire. Il a d'ailleurs été condamné à ce qui est quand même assez rare en diffamation, à une astreinte financière si jamais il recommençait ce type de documentaire. Donc c'est quand même, la condamnation est allée assez loin. Il y a un appel en cours, évidemment, et on verra bien. Procédure judiciaire incessante, harcèlement répété et menace de mort, quelles traces laisse cet acharnement ? J'en suis sortie lessivée, je porte un regard très amer sur les réseaux sociaux et d'ailleurs on voit comment Twitter, qui maintenant est X, a dérivé. J'ai connu cette expérience extrêmement intrusive, très déconstructrice, qui est l'effraction psychique, que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que ça existait en fait, du complotisme, de la désinformation, du harcèlement médiatique, du harcèlement en ligne. Et donc ça a été très très très dur parce que je me suis dit, mais je vais abandonner ma chefferie de service, je vais arrêter tout mon travail, je vais me mettre en retrait de tout ça. J'ai eu peur aussi pour mes enfants à l'époque, quand j'ai eu des menaces d'agression physique. J'ai quand même été agressée physiquement, il faut le dire, parce que je me suis fait agresser à une table de café, un homme a voulu me gifler. Juste au moment où on rouvrait où on pouvait pas rentrer dans les restaurants mais on pouvait aller manger en terrasse, et donc j'ai été agressée par un homme qui s'est jeté sur moi et qui a cherché à me gifler. Donc heureusement il y avait des gens qui étaient là et qui l'ont retenu. J'ai été agressée dans la rue aussi, verbalement, et donc on se dit, mais en fait pourquoi je m'expose à ça? Surtout, comment des confrères? Moi, j'ai été très heurtée par des mots de confrères pour lesquels j'avais de l'estime, puisqu'à partir du moment où ce sont des chercheurs au CNRS, des chercheurs INSERM, on se dit, mais en particulier un scientifique qui exerce à Lille, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui prend, quoi? Comment il peut être aussi méprisant, dégradant pour moi? Un peu sur mon expertise scientifique, mais beaucoup sur mon physique, sur le fait que je sois une femme. Là, je me suis rendu compte combien le sexisme, en fait, était extrêmement prévalent chez les complotistes. Après, le côté positif, quand même, c'est qu'on se rend compte qu'on a des ressources internes. C'est qu'à l'épreuve, en fait, qu'on se rend compte qu'on a des ressources internes importantes et qu'on peut être résilient vis-à-vis de ça. Qu'il y a aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, de très belles choses. Et j'ai noué des relations fortes avec des vulgarisateurs scientifiques, des gens qui luttent contre le complotisme. Et d'ailleurs, j'ai monté un gros projet européen pour se préparer aux prochaines pandémies. J'ai reçu une bourse de l'Union européenne assez importante. Et dans ce projet européen, j'y ai mis toute une dimension de lutte contre la désinformation, d'identification des signaux précoces de complotisme et tout. Peut-être que je n'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu cette expérience de la pandémie. Et j'ai compris en fait combien l'implication des citoyens dans la lutte contre la désinformation était absolument fondamentale. Et nous, les scientifiques, on ne peut pas s'en sortir en fait sans la mobilisation des citoyens.